Quand t'es à Paris et que t'as pas trop de thunes, tu peux aller dans un parc pour t'en fumer une. Mais le petit problème, c'est que ça ferme à 19h. Ok, l'Arsenal, ça finit à 23h. Alors Paris, c'est vraiment un enfer. Surtout quand t'as pas de thunes et que tu sais plus quoi faire. T'as qu'à plus qu'à rentrer chez ta mère et aller t'asseoir sur ton petit derrière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à Paris sans argent? Je me le demande d'un air élégant. Alors maintenant, si vous avez la réponse, donne-la-moi vite ou alors je vais poncer. Je suis allé dans un bar, mais bon, la bière à 8 euros, c'était pas très bon. Alors maintenant, je suis allé dans un chinois, à 23h, c'est à 200 euros la bière chinoise. 200 euros la bière chinoise. Oui, la Tsingtao. La Tsingtao. Oh oh oh oh. La Tsingtao. Mais moi, je t'ai pas compté parce que j'ai ma carte de crédit, et oui, je l'ai perdue. Oh oui, mais oui, mais oui. J'étais en train d'aller jusqu'à Nanita Primeur, et je l'ai perdue à pas d'heure. Ailleurs, un autre monde, parce que le vendeur m'a dit qu'il l'a pas vu quand je suis passé tout à l'heure. Je lui dis, mon gars, mais je vous ai acheté des pommes bien fraîches, payées venues d'ailleurs. Avec des pêches, oh oui, c'est bien, c'est prêt, ça pond, ça vient, c'est cool comme des glisses dans les doigts, comme de l'eau, des sucres glaces en poudre, et des sucrates, et des olives, et des anchois, et des sauces tomates, c'est génial. J'ai plus de thunes, j'ai plus de thunes, j'ai perdu ma carte de crédit dans Paris. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, putain, j'ai plus de sous. Alors je vais rentrer chez moi, ou non, je vais chez Joël boire un petit coup. Chez Joël boire un petit coup. Un petit coup chez Joël, parce que oui, chez moi c'est bien. Toujours gratuit pour les amis, pour les potos, parce qu'ils ont perdu tous leurs euros. Alors du coup j'offre gratis un peu de pastis, mes petits païs. Parce que chez mes potes avec moi c'est gratis. Oh oui, oh oui. J'ai perdu ma carte de crédit à Paris, je suis venu. J'ai perdu ma carte de crédit à Paris, je suis venu. J'ai perdu ma carte de crédit chez Paris. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas à quelle heure, je sais pas pourquoi. Bah non, je sais pas. Je le sais pas, je le sais pas. Je sais pas, je sais pas. Alors je crois que je vais rentrer chez moi.